J't'écris mes rêves sur feuille blanche, ce qui me hante jour et nuit. J'décris mon monde à moi, ce qu'il en est aujourd'hui. Je chante ma liberté, celle qui me permet de rêver. Je parle d'un univers que je ne connaîtrai jamais. Et tu sais, on a tous quelque part un grand souhait, celui de s'en aller pour pouvoir tout recommencer. Dis-toi que même les bandits rêveraient d'un monde rempli de leurs. Dis-toi, plus tu grandis et plus le monde te fait peur. Je crée mon univers à base de mes pensées. Le vôtre m'a fait peur, donc j'ai dû y renoncer. Donc j'ai dû m'enfermer dans un monde imaginaire, là où on s'aime et on cède, là où on bannit l'enfer. Laisse-moi le temps d'un rêve pour te décrire ce qui m'obsède et ce qui me fait sourire. Laisse-moi te parler de tout ça. Laisse-moi. Chanter mes rêves, ces rêves qui me font vivre là où il n'y a aucune règle, car on est tous des hommes libres. Laisse-moi bâtir mon monde là où la guerre est un péché. Laisse-moi quelques secondes pour pouvoir tout expliquer. Premièrement, toute sorte de religion est acceptée. La folie des gens, la haine et le racisme sont éjectés. Ta couleur de peau n'a pas d'importance aux yeux des gens. L'enseignement t'apprend que le vrai bonheur c'est pas l'argent. Deuxièmement, on t'apprend aussi le respect, la foi en Dieu, son existence, tu ne peux y douter. Troisièmement, aucune personne n'a de pouvoir sur les autres. Ici on réussit ensemble, et ensemble on se vautre. Laisse-moi le temps d'un rêve pour te décrire ce qui m'obsède et ce qui me fait sourire. Laisse-moi te parler de tout ça. Laisse-moi. Et ce qui me fait sourire. Laisse-moi te parler de tout ça. Laisse-moi. J'aimerais trouver le bonheur à travers cette femme, lui ouvrir mon cœur et succomber à son charme. Tu sais, j'aimerais tant pouvoir plonger dans ses bras, être celui qui la fera sourire, la cause de sa joie. J'aimerais être aimé, non pas grâce à ma passion, non pas pour ce que j'écris, c'est ce qui attire votre attention. J'aimerais ne pas être obligé de chanter pour qu'on me comprenne, de mes problèmes à ma haine, de ma joie à ma peine. Laisse-moi le temps d'un rêve pour te décrire ce qui m'obsède et ce qui me fait sourire. Laisse-moi te parler de tout ça. Laisse-moi. Laisse-moi le temps d'un rêve pour te décrire ce qui m'obsède et ce qui me fait sourire. Laisse-moi te parler.